السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا سيري دو كور دو شرح القول الأربع أخ الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. On est arrivé à parler de l'introduction de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On est arrivé au point où Cheikh Abdul Bukhari hafidahullah ta'ala, il rapportait de quelle parole de l'imam Al-Qayyim rahimahullah elle était prise, ou certains points étaient pris. Et donc on est arrivé à la parole de Cheikh Abdul Bukhari hafidahullah ta'ala. Wa huna aydan kalimatun lil imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala fil fawaid yaqul fi sha'n as-sa'adah liman yabhath 'an as-sa'adah qala rahimahullah ta'ala والأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة. سعادة العبد تنبني على ثلاثة أصول لكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده، أولاها التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. الهدوء، بارك الله فيكم، الهدوء والطاعة وضدها المعصية، ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه وما عنده، وهكذا رجع الأمر إليه. فقل لي بربك، من يقول إن دراسة كتب العقيدة تقسي القلب معرف الاعتقاد الصحيح ومذاق حلاوته؟ دونك شيخ عبد البخاري حفظه الله تعالى، on va déjà traduire ce premier passage. Il dit رحمه الله toujours en continuation de l'explication de l'épître Les Quatre Règles de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il y a aussi une parole de l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui s'appelle Al-Fawa'id, dans un livre qui s'appelle Al-Fawa'id. C'est un livre qui porte bien son nom et qui est un livre que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas encore lu. Et c'est un livre d'Ibn Qayyim qui est très connu, qui s'appelle Al-Fawa'id. Et dans ce livre qui est très connu d'Ibn Qayyim, Al-Fawa'id, il dit une parole dans laquelle il dit au sujet du bonheur, pour celui qui cherche le bonheur. Alors ici, pour juste recadrer un peu le sujet du cours, on étudie le Arba, on le sait. On a fait l'introduction des Cheikh al-Islam. On a fait la biographie des Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Puis on a fait la biographie des Cheikh Abdul Bukhari, qui est l'explicateur de l'épître. Et puis on a commencé l'épître à proprement dire, à proprement parler, et on a dit que Cheikh al-Islam, il a commencé son texte en disant et en faisant quoi? Une doua. Qui connaît le maintenant? C'est peut-être une opportunité pour de vous donner justement l'opportunité de réciter le maintenant. Qui connaît le maintenant? Pas entièrement, mais au moins jusqu'à ce à quoi on est arrivé aujourd'hui. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le connaissent, donc on va éviter les temps morts qui se présentent directement et que. Hein? Et bon. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله العظيم رب أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. D'accord. Et c'est donc cette doua-là jusqu'à ce qu'on arrive. Et ici, il y a un point, le dernier mot qu'il a cité le frère ici. Il a cité le mot en arabe, sa'ada, qui veut dire bonheur. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit au sujet du bonheur pour celui qui cherche le bonheur. Et les fondements sur lesquels s'édifie le bonheur du serviteur sont au nombre de trois. Le bonheur du serviteur se construit sur trois fondements dont chacun d'entre eux a un contraire. Et donc quiconque à qui manque l'un de ses fondements obtiendra son contraire. Combien de fondements on a dit ici? Trois. D'accord, on les compte ensemble, Inch'Allah. At-Tawhid. C'est quoi le Tawhid? C'est l'unicité. Et le contraire de l'unicité, c'est Al-Shirk. Ça veut dire l'association à Allah. Deuxième fondement, c'est quoi? La Sunnah. Dont le contraire est la Bid'ah, c'est-à-dire l'innovation religieuse. Troisième fondement, at-ta'ah, c'est-à-dire l'obéissance à Allah, dont le contraire est al-ma'siyah, la désobéissance à Allah. Donc il y a trois fondements et trois contraires. Tawhid, dont le contraire est le شرك. السنة دون كونتخير إلى بدعة. الطاعة دون كونتخير إلى معصية. Et ces trois fondements ont un contraire unique, qui est le vide du cœur quant au fait de désirer Allah et de désirer ce qu'il a auprès de lui comme récompense, subhanahu wa ta'ala. Et quant à la peur envers lui, ainsi qu'envers ce qu'il a auprès de lui comme châtiment. De telle manière, l'affaire revient à lui. Puis Cheikh Abdel Bukhari dit, moi par Allah, quiconque dit alors que l'étude de la croyance durcit le cœur, n'a pas connu la croyance authentique et n'a pas goûté sa saveur. Il y a des gens, les Adoubillah, qui disent ça. Qui disent que, parmi les Hizbiyoun, qui disent que, c'est l'Aqida, c'est quoi ça durcit les cœurs. Adoubillah Mdalik. Cher, il dit, dis-moi par Allah, quiconque dit alors que l'étude de la croyance durcit le cœur, n'a pas connu la croyance authentique et n'a pas goûté sa saveur. Et puis il cite Ibn Qayyim, il dit, Rahimahullah, il, c'est-à-dire Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, et ces trois fondements ont un contraire unique, qui est le vide du cœur quant au fait de désirer Allah. Et cela car si tu désirais Allah, قال رحمه الله لهذه الثلاث ضد واحد وهو خلو القلب من الرغبة في الله إذ أنك لو رغبت في الله لبحثت عن مراضيه وابتعدت عن مساخطه وتقربت إليه وانكسرت له وتذللت وخضعت إليه جل وعز وبحثت عن أمر عظيم أمرك به وهو التوحيد وهو التوحيد ففتشت وطبقت ذلك الأمر كما يريده جل وعز قال وفيما عنده الرغبة خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عند الله ولهذا ابتعدت عن تحقيق التوحيد وارتكاب الآثام والمعاصي ومن الرهبة منه وارتكاب الآثار والمعاصي ومن الرهبة منه ومما عنده انتهى كلامه رحمه الله وخير الكلام ما قل ودل. Donc je répète cette phrase ici d'Ibn Qayyim en français. Et ces trois fondements ont un contraire unique. C'est quoi les trois fondements qu'on a cités? Trois fondements de quoi? D'accord, qui ont chacun un contraire. Et il dit quoi? Et ces trois fondements ont un contraire unique qui est le vide du cœur quant au fait de désirer Allah. Rahba fillah. Et cela, car si tu désirais Allah, tu chercherais ce qui le satisfait. Maradi. Et tu te serais éloigné de ce qui a pour conséquence sa colère. Masakhito. Et tu te serais rapproché de lui. Et tu te serais brisé, c'est-à-dire en termes d'humilité, envers lui. Et tu te ferais humble envers lui. Et tu te soumettrais à lui. Et tu aurais cherché après une immense affaire qu'il t'a ordonnée. Et c'est quoi? C'est l'unicité. Et donc tu l'aurais cherché. Et tu l'aurais appliqué. Tu aurais appliqué cette affaire comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. Il continue. Rahimahullah, il dit, Ibn Qayyim toujours, et de désirer ce qu'il a auprès de lui comme récompense. Le vide du cœur, du fait de désirer Allah et de désirer ce qu'il a auprès de lui comme récompense. Et c'est pour cela que tu t'es éloigné de la concrétisation de l'unicité, et que tu as commis les péchés et les désobéissances, et du fait d'éprouver de la crainte envers lui et envers ce qu'il a auprès de lui comme châtiment. Fin de citation d'Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et écoutez ce qu'il dit, c'est-à-dire en français, et la meilleure des paroles est celle qui est courte et indique le sens voulu. وقال أيضا رحمه الله في فصل آخر في مراحل تعظيم الأمر والنهي قال رحمه الله تعالى قاعدة جليلة النعم كلها من الله قد فكرت في هذا الأمر يقول قد فكرت في هذا الأمر فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده نعم الطاعات أنت تتلذذ بالطاعة فهذه من الله من الله بعليك لتتلذذ بها ولهذا كان من قوله عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال سو référence à quoi أي بالصلاة أرحنا بها يا بلال ومن قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وجعلت قرة عيني في الصلاة قال رحمه الله نعم الطاعات ونعم اللذات فترغب إليه أن يلهمك ذكرها وأن يوزعك شكرها قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وقال جل وعلا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله فذكرها النعم منه أليس كذلك؟ Comment on répond en arabe quand on veut dire oui par rapport à l'aïssa kadalik? Voilà. On ne dit pas na'am. C'est une erreur que des gens font. D'ailleurs, quand, pour les ceux qui ont l'habitude d'écouter Charles Albani, quand il débattait des fois quelqu'un et qu'il disait aïssa kadalik, il disait na'am, il disait la, bala. Hein? Et comment on dit non? Kalla. C'est une faïda dans la langue arabe. Quand on vous dit aïssa kadalik, n'est-ce pas? On ne répond pas par na'am. On dit bala. Et quand on veut dire non, on dit kalla. Bala et kalla. D'accord? Alors, question pour les lorawiyoun. Hein? Quand est-ce qu'on répond par ajal? Ajal, qu'est-ce que ça veut dire ajal? Je l'avais dit dans un dars, hein? Faut venir. Quand est-ce qu'on répond par ajal? Ajal, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Est-ce que c'est une question? Oui? D'accord. Mais quand est-ce qu'on répond par oui en disant pas na'am, en disant ajal? J'avais rapporté ça sur l'Ethiopie dans le Sarah Zahim aussi, mais il avait dit, ou de Sunan Nasa'i, il avait rapporté une faïda par rapport à ça. On répond par Na'am quand c'est une question, et on répond à Ajal quand on veut confirmer quelque chose. D'accord? Vous comprenez? Exemple. Hein? Exemple. On retourne au Sarah Zahim. C'est quand la question est affirmative. Voilà, c'est ça. D'accord. Hein? Parce que quand c'est une question pour demander qu'est-ce que c'est, tu réponds par na'am ou la. Tandis que c'est qu'une question, comme dit le frère, peut-être en français, pour traduire ça par question affirmative, tu réponds, c'est-à-dire que tu confirmes, hein, ou tu affirmes, tu dis ajal. Donc on a dit, le cheikh il a dit, allez c'est kadalik, qu'est-ce que vous dites? Il y en a un qui dit na'am. Alors on dit bala. Qala wa mujarrad fadlihi fa dhikruha ay dhikru ni'mati wa shukruha la yunalu ila bi tawfiqihi. Fa idha waffaqaka Allah li shukri faqad an'ama 'alayka jalla wa 'azz. Qala wa dhunubu min khizlanihi wa takhallihi 'an 'abdihi wa takhliyatu baynahu wa bayna nafsihi. Wa illa man kashif dhalika وتخليته بينه وبين نفسه وإن لم ينكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه فإذا هو مضطر لتضرع إلى وللابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه أي مرة أخرى وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الثلاث الأصول ولا فلاح له إلا بها ما هي الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح إليها رجع كلام الإمام فعنوان السعادة هذه قال وده بخد يخسلا دوك إبن القيم رحمه الله il dit aussi dans un autre chapitre au sujet des étapes dans le fait d'honorer l'ordre et l'interdit une règle importante tous les bienfaits viennent d'Allah c'est Ibn Qayyim qui dit ça il dit et j'ai certes médité l'affaire Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, et j'ai certes médité cette affaire, et j'ai trouvé que son fondement est que tu saches que tous les bienfaits viennent d'Allah seul. Les bienfaits des actes d'obéissance. Tu savoures les actes d'obéissance, et donc ils viennent d'Allah. Allah t'en a comblé afin que tu les savoures. Et c'est pour cela que faisait partie des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, apaise-nous par elle, c'est-à-dire la prière, ô Bilal. Et aussi sa parole, alayhi salatu wassalam, comme cela est rapporté dans l'authentique, et mon apaisement, ma joie a été mis dans ma prière. Donc, Cheikh Nassil Abbad, hafidhahullah ta'ala, dans le charh kitab Israt Nisa min Sunan Nasa'i, il a dit, hafidhahullah, Cheikh Nassil Abbad, il a expliqué, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَةِ c'est-à-dire, أُنْسُهُ وَسُرُورُهُ وَرَاحَتُهُ alayhi salatu wassalam fi الصَّلَةِ C'est pour ça que j'ai traduit par et mon apaisement, ma joie a été mis dans ma prière. Une faïda que je vous donne par rapport à Sunan Nasa'i, c'est que Cheikh Al-Masal Abad il dit que ce chapitre sur Kitab Israt Nisa, qu'on peut traduire par quoi ? Chapitre de la manière de vivre avec les femmes. C'est quoi les femmes ici ? C'est-à-dire Zawjat. C'est-à-dire Zawj ma'a Zawjati. C'est-à-dire le chapitre de comment l'homme il vit dans une relation maritale avec ses femmes. D'accord. Et il dit que dans certaines copies de Sunan Nasa'i, ce chapitre il a été rapporté après Kitab al-Nikah, ce qui est quoi, munasib. D'accord. Une petite faïda que je vous donne en plus. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, Ibn Qayyim rahimahullah, les bienfaits des obéissances et les bienfaits des plaisirs de ce hadith par rapport wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah. C'est quoi le début? Il a été permis d'aimer trois choses. Le hadith, il est précis. Qui lui ont été rendus aimés par lui, quoi? Les femmes. Les parfums. Et wa ju'ilat qurratu 'ayni. Donc on a dit ici, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Les bienfaits des obéissances et les bienfaits des plaisirs. Et donc tu l'implores, c'est-à-dire tu implores Allah qu'il t'inspire le fait de t'en rappeler et qu'il t'inspire, ou de mentionner si vous voulez, dhikruha, et qu'il t'inspire le fait de le remercier pour ses bienfaits. Je répète cette phrase. Les bienfaits des obéissances et les bienfaits des plaisirs. Et donc tu implores Allah qu'il t'inspire le fait de les mentionner, de t'en rappeler, et qu'il t'inspire le fait de le remercier pour ses bienfaits. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens est, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Surat Nahl, verset 53. Et vous allez voir que quand on a parlé de Ni'am, on a souvent rapporté des versets de Surat Nahl. Et d'ailleurs, un des noms de Surat Nahl, c'est Surat Al-Ni'am, la Surat des bienfaits. Comme par exemple Surat Al-Ankabut, c'est Surat Al-Fitan. Parce qu'elle parle beaucoup des fitan. Elle commence par d'ailleurs Alif Lam Mim, Ahasib al-Nas, wa ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, faly'alamanna Allahu alladhina sadaqu, wa liya'lamanna. Et Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, et bien rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. Surat Al-A'raf, verset 69. Et Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, et soyez reconnaissant pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. Encore une fois, surat Nahl, verset 114. Et comme ces bienfaits ne viennent que de lui, et que de sa grâce, subhanahu wa ta'ala, le fait d'en faire mention, et chéri dit, les bienfaits viennent d'Allah, n'est-ce pas? Hein? Allez, c'est kadalik? Ouais, les frères. Voilà. Hein? Il dit, et comme ces bienfaits ne viennent que de lui, et que de sa grâce, le fait d'en faire mention, c'est-à-dire le fait de mentionner les bienfaits, et de remercier pour ces bienfaits, ne peut être obtenu qu'ici Allah le facilite. Et si Allah te facilite à le remercier pour ses bienfaits, alors il t'aura comblé d'un bienfait. Ne vous inquiétez pas, j'aurai les notes pour revoir ça. C'est Ibn Qayyim qui parle, rahimahullah. Hein? Allez, rahimahullah. Il dit, toujours Ibn Qayyim, rahimahullah, et les péchés font partie du fait qu'il, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, laisse son serviteur et l'abandonne, et qu'il le laisse entre lui et son âme. Tu le laisses avec son âme. Et s'il ne dissipe pas cela pour son serviteur, ce serviteur n'a aucun moyen de dissiper cela pour lui-même. Et donc, le serviteur est dans la nécessité d'implorer Allah qu'il repousse de lui ses causes. Afin que cela n'émane pas de lui. C'est-à-dire, une autre fois. Et si cela arrive par le jugement de ce qui est prédestiné, et conformément à la nature humaine, le serviteur est alors dans la nécessité d'implorer Allah et d'invoquer Allah qu'il repousse de lui les conséquences de cela et les châtiments en raison de cela. Et donc le serviteur ne peut se séparer de son besoin de ces trois choses, de ces trois fondements, et il ne peut obtenir la réussite qu'au moyen de ces trois fondements. Quels sont-ils? Le remerciement, le shukr. Demander à Allah d'être préservé, talabul afiyah. Et troisième, at-tawbatun nasuh. Le mot ici nasuh, il est important. At-tawbatun nasuh, le repentir sincère. Et c'est à ces trois choses que revient la parole de l'imam, et c'est l'adresse du bonheur. Qu'est-ce qu'on a dit dans le matn de Cheikh Al-Islam Mohammed Al-Wahhab? Ou ha'oula al-thalath? Unwanu al-sa'ada. Vous avez compris pourquoi il a rapporté toutes ces paroles d'Ibn Qayyim rahimahullah? Pour vous expliquer c'est quoi le bonheur, c'est quoi l'adresse du bonheur. Qala, qui toujours Ibn Qayyim rahimahullah. ثم فكرت فإذا ما دار ذلك على الرغبة والرهبة وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف شاء سبحانه فإذا وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك وما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن انتهى كلامه رحمه الله. Regardez ces magnifiques paroles d'Ibn Qayyim rahimahullah qui demandent vraiment qu'on se concentre, hein? Parce que c'est, comme l'a dit le Cheikh, khairul kalam ma qalla wa dal. Ibn Qayyim dit, puis j'ai médité, souvent il dit ça Ibn Qayyim rahimahullah, puis j'ai médité à ce sujet et j'ai trouvé que cela tourne autour du désir ar-raghba et de la crainte ar-rahba et que cela n'est pas dans les mains du serviteur. Mais de plus que cela est dans les mains de celui qui tourne les cœurs et qui les oriente comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et donc, s'il facilite, Allah subhanahu wa ta'ala, cela à son serviteur, le serviteur se tourne avec son cœur vers lui, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il, Allah, lui remplit le cœur de désir et de crainte. Et s'il l'abandonne, il le laisse et ne prend pas son cœur vers lui. Et lui, le serviteur, ne lui demande pas cela. Et ce qu'Allah a voulu est, et ce qu'il n'a pas voulu n'est pas. Fin de citation d'Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. وبهذا اقتبس الإمام محمد رحمة الله عليه هذا المقطع من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره نعم. Donc Cheikh Abd al-Bukhari termine ce passage en disant et donc l'imam, quand il fasse miséricorde, c'est-à-dire l'imam Mohammed, Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, a pris cette parole de la parole d'Ibn Qayyim et d'autres. D'accord? Puis le Cheikh, il va continuer, mais d'abord il y a le talib qui lit le matn, qui va continuer le matn. Donc on est arrivé à fa inna ha'ula ithalath unanu as-sa'ada. Maintenant on arrive à la suite du matn. يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلص له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا الشرك في العبادة أفسدت تسير فسدت كما كالحدث إذا دخل أيوة اللي خطني الأفخاذ أيوة وبس كيف وبس دخل في الطهارة يبس بس هنا ويس بس هنا أما صافي جي غسيتي برافو متنا Je vous ai eu. Hein. Allez, les frères. Faut pas avoir peur, les frères. Si quelqu'un veut réciter, qu'il récite. Celui qui ne veut pas réciter, on va pas. On va dire un taprom. On voudrait que les frères continuent à venir en dars. Alors, qui veut réciter? Qui connaît jusque-là? Elle marche avec le taïté. Il faut le dire. Qui veut réciter? Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent sur internet qui aimeraient bien réciter, mais ils ne peuvent pas parce que. Hein? Alors, qui veut réciter? On a dit on s'est arrêté à Fa'inna ha'ula ithalath unwanu as-sa'ada. Donc, celui qui veut réciter, il continue à partir de là. I'lam. Tfadal. I'lam arshadak Allah wa ta'ati anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'bud Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Vous avez remarqué que le frère il a dit un morceau de phrase en plus. Moi aussi je l'avais étudié comme lui il l'a fait et ça c'est pas repris dans les notes que vous avez donc soyez pas surpris d'accord. Quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si vous êtes basé sur celui-ci ou sur un autre matin pour l'étudier peut-être que tu as fait ailleurs. Ouais. D'accord. Et ouais. C'est le cas aussi de la personne. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Il a dit, il a dit, Anta'abudallah wahdahu mukhlisan lahu ad-din, et puis il a dit, وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. D'accord, donc qui veut réciter? يعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله به وبذلك أمر الله جميع الناس كما خلقهم لها وخلقهم لها وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن فإذا عرفت أن العباء أن الله خلقك لعبادته أن الله خلقك لعبادته عرفت أن عرفت أن العب... فإذا عرفت فعلم أبخس فعلم فعلم أن العب... فعلم أن العبادة لا لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. أحسنت جزاكم الله خير. Vous allez voir qu'avec le temps, avec les dourous et petit à petit on s'habitue au livre de ça, vous allez trouver beaucoup plus facile de le réciter devant des gens et dans le cadre d'un cours. Hein? Ça va devenir naturel. C'est à ça qu'on a essayé de tendre aussi, alhamdulillah, d'être s'habituer un peu à parler. De... Quelqu'un d'autre veut réciter? تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادتك فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالطهارة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة العبادة فسدت كما أن كالحدث إذا دخل في التعب في الطهارة. أحسنت. كي دوطخ يعلم أمنا الحمد لله كمسي إلا ما شدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. أحسنت جزاك الله خيرا. سيبين طبعا لفخاش كم المغزي في الكندور. يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. أحسنت جزاك الله خيرا. أكوخ كالكاي سي تفضل. يعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا دخل الشرك في العبادة فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادتهم فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع توحيد، كما صلاة لا تسمى صلاة إلا مع طهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتك الحدث إذا دخلت الطهارة. أحسن، جزاك الله خيرا. Commence à venir, des frères qui commencent, Masha'Allah. C'est bien. Quelqu'un d'autre? Moi. J'ai entendu moi. Il a terminé déjà. Ah, t'as dit Alhamdulillah. Personne d'autre? Je sais qu'il y en a d'autres qui connaissent, mais on ne va pas les forcer à dire. Voilà, Koulihal, Jazakumullahu Khairan, ça fait plaisir. Avec les sœurs, elles se le récitent entre elles aussi. Avec les enfants, ils peuvent aussi mémoriser, Inch'Allah. Hein? Tu connais un petit peu? Tu connais? Non? Après, tu vas étudier, Inch'Allah, d'accord? Oui? Hein? Le texte, cher l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: sache qu'Allah te guide vers son obéissance. Que la Hanifiya est la religion d'Ibrahim, et c'est que tu adores Allah seul en lui vouant une adoration sincère, comme Allah a dit, selon la traduction du sens est: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, verset 56. Et donc, si tu sais qu'Allah t'a créé pour l'adorer, alors sache que l'adoration ne peut être appelée adoration qu'avec l'unicité, tout comme la prière ne peut être appelée prière qu'avec la purification. Et donc, si l'association à Allah entre dans l'adoration, elle est corrompue, comme le hadath lorsqu'il entre dans la purification. D'accord? Le mot à Allah, c'est entre parenthèses, c'est juste pour que vous compreniez bien de quelle association on parle ici. D'accord? Maintenant, l'explication de Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala. Petite faïda que je vous donne peut-être de Cheikh Khalid Abdurrahman, dans son Cheikh al-Qawd al-Arba, il dit que, parce qu'une de ses spécialités, c'est le tafsir du Coran. Il dit que certains ulama ont dit que la raison pour laquelle les djinns ont été cités avant les ins, dans le verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ. Pourquoi? C'est dans le premier? Non, parce qu'ils ont été créés avant. D'accord? Certains ulama, ils ont dit ça. D'accord? Et aussi par rapport au verbe وَمَا خَلَقْتُ, qui vient avec l'ifrad. Alors que des fois dans le Coran, on a ce qu'on appelle نُنْ الْعَظَمَةِ Nazelna, etc. D'accord, c'est justement une ishara que l'adoration doit être vouée de manière exclusive. Subhanahu wa ta'ala. C'est dans le premier audio de Sharh Qawl al-Arba' de Khalid Abdurrahman, hafidhahullah ta'ala, Cheikh Khalid Abdurrahman, et c'est sur Najl Wadih, le site de la radio Najl Wadih. Vous trouvez d'ailleurs les audios enregistrés. Il a un très très bon Sharh de Qawl al-Arba', hafidhahullah ta'ala. Donc on continue avec l'explication de Cheikh al-Bukhari, hafidhahullah, qu'Allah le préserve, et il dit, l'imam Mohammed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que la Hanifiya est la religion d'Ibrahim, Abraham en français, et c'est que tu adores Allah seul en lui vouant une adoration sincère, comme Allah a dit, selon la traduction du sens est, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, verset 56. Ici, nous allons nous arrêter et parler. Cheikh Hadi yaqulu l'imam Muhammad rahimahullah ba'da dhalik, i'lam arshadaka Allah li ta'atihi an al-hanifiyyah millat Ibrahim, an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din, kama qala ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Huna naqifu wa natakallamu 'ala hadhihi aw 'ala hadha al-maqta' min wujuh. Al-wajh al-awwal qawlu rahimahullah i'lam. Vous suivez où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Évidemment, on recommence par la parole I'lam arshadak Allah li ta'ati, donc il va expliquer pourquoi il a dit I'lam et la suite. هذا خطاب متوجه الى كل من يصلح له هذا الخطاب. I'lam هو لا يخاطب المجنون اليس كذلك؟ Les spécialistes de cette formulation là, ولا يخاطب من لا يعقل. يخاطب من يصلح ان يكون هذا الخطاب له من حاضر او سامع او قارئ او نحو ذلك اليس كذلك؟ فهذا اللفظ خطاب متوجه إلى كل من يصلح له الدخول في هذا الخطاب وفي أيضا أي في هذا القول اعلم أرشدك الله لطاعته. أقول فيه التلطف بك يا طالب العلم بالدعاء، فقد سبق في أول مقطع أن دعا لك بدعوات عظيمة، ثم أعاد بأن دعا الله لك أيضا قال اعلم أرشدك الله لطاعته، فدعا الله لك متلطفا بأن يرشدك الله لطاعته بالرشد. الرشد ضد الغي. Ça c'est des définitions à connaître par cœur, quoi. الرشد ضد الغي. قال الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. Et on va rapporter la parole dans إغاثة اللهفان. Je traduis déjà cette partie. Cheikh Abd al-Bukhari, hafidahullah, il dit ici nous allons nous arrêter et parler de cette partie sous plusieurs angles. Le premier angle, sa parole qu'Allah lui fasse miséricorde, sache, i'lam. Ceci est une parole qui s'adresse à toute personne qui convient à ce que cette parole lui soit adressée. Sache, il ne s'adresse pas au fou, n'est-ce pas? Et il ne s'adresse pas à celui qui n'a pas de raison. Il s'adresse à celui qui convient à ce que cette parole lui soit adressée. Comme celui qui est présent. Il a dit l'hadir, ou sami', celui qui entend, ou le lecteur al-qari', ou toute autre personne similaire, n'est-ce pas? Cette parole est une parole adressée à tous ceux qui conviennent à être compris dans cette parole. Et il y a aussi dans cette parole, i'lam, arshadakallahu li ta'atih. Sache qu'Allah te guide vers ton obéissance. Je dis, il y a en cela le fait d'être doux envers toi par l'invocation. Ô toi, l'étudiant en sciences islamiques. Et ça, c'est aussi dans le da'wah. Quand on voit comment l'usul des ulama, des imams muslihoun, des imams réificateurs, les réformateurs, comment il est leur usul dans le da'wah. Et vous allez voir que Cheikh Abd al-Bukhari va attirer l'attention sur cet usul, cette manière, cette méthodologie dans la da'wah. Et la douceur et rifq dans la da'wah. Il dit, nous avons vu précédemment que dans la première partie, il avait fait pour toi d'importantes invocations, puis il a répété cela en invoquant Allah pour toi en disant, sache qu'Allah te guide vers son obéissance. Il a donc invoqué Allah pour toi par douceur envers toi. D'accord? Il a dit at-talattuf. Qu'Allah te guide vers son obéissance par ar-rushd. Maintenant, on va définir c'est quoi ar-rushd. Et on va le définir peut-être un petit peu en détail. Retenez, inshallah. Première notion, on a dit talib ilm, d'avoir un esprit de synthèse, de prendre des notes si possible, ou au moins à la maison plus tard, on va avec les PDF. Peut-être souligner ce qui est important, etc., les définitions, essayer de les mémoriser. C'est comme ça qu'on se construit, encore une fois. D'accord? Mais rujd, son contraire, c'est el-ray. Très facile à... Vous vous rappelez, la fois passée, on étudiait sabre. C'est quoi sabre, dans le Lora? Voilà, vous vous rappelez tous, de... c'est quoi? C'est le habs. Ça, oulala. On a même défini dans l'istilah, c'est quoi? C'est quoi dans l'istilah? Ça, on va attendre peut-être un petit peu de revoir. Hein? D'accord? Donc, on a dit, rujd. La guider, on va le traduire par la guider, est le contraire de el-ray, l'égarement. Et puis il va rapporter une parole d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans Iratatul Lahfan. Alors celui qui retient ce que je vais dire, il y a un frère qui m'a donné 3 livres avant le cours pour les donner. Donc il faut que je trouve une raison de les donner. J'ai 3 charhs de Al-Qawl al-Arba' de Cheikh l'Islam, évidemment, par Cheikh Saleh al-Fawzan. Un grand savant salafi, hafidahullah ta'ala, excellent charh, il y en a 3. Donc celui qui va dire ce que je vais dire ici par rapport à Rushd, etc. En français, vous inquiétez pas les frères. Hein? Après, Inch'Allah, il aura une copie. Après, on va essayer de trouver d'autres bonnes raisons de donner les livres, Inch'Allah. Je dois donner les 3. Donc, qala l'imam al-Qayyim rahimahullah fi iratat al-lahfan. الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به ثم قال والرشد والهدى إذا أفرد كل واحد منهما تضمن الآخر. Ça c'est une notion directement, ça doit vous rappeler quelque chose, une règle très connue. Et je sais que Abu Idriss il l'a rappelé dans un de ses derniers dars, صح ولا لا. Il a dit إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. Et il parlait de quoi quand il a dit ça? Islam, Islam et l'Iman. Et il a donné d'autres exemples qui étaient? Et moi j'en avais déjà donné, on avait dit le faqir ou le miskin. L'Islam ou l'Iman. Et on a rajouté? Al-Huda. Exactement, Ahsan, Naam. Et ouais, quoi d'autre? Al-Huda ou al-Rushd. Al-Huda ou al-Rushd. Al-Huda ou al-Rushd. D'accord? On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah. Al-Biru al-Taqwa aussi, c'est juste. Al-Rushd ou al-Huda, ida ufrida ya'ni, ida dukira al-Huda fi mawtinin, wal-Rushd fi mawtinin, tadamman al-Rushd ma'na al-Huda. Wadaka ida ufrida tadamman al-Huda ma'na al-Rushd. Wa ida qurina ahaduma bil-akhar, ya'ni, ida ijtama'a al-Taraqa, wa ida iftaraqa ijtama'a, وإذا قلنا أحدهما بالآخر قال فالهدى هو العلم بالحق والرشد هو العمل به وضدهما هو الغي واتباع الهوى. انتهى كلامه رحمه الله. Je vous résume ça, vous inquiétez pas, inshallah. Il a dit dans Iratat al-Lahfan, un livre très connu d'Ibn al-Qayyim qui a été publié en deux volumes, Ar-Rushd, c'est la science de ce qui est bénéfique et sa mise en application. Très facile à retenir. Si quelqu'un vous demande c'est quoi Ar-Rushd, dire Ar-Rushd, العلم بما ينفع والعمل به. Très facile. العلم بما ينفع والعمل به. Très facile. C'est la science de ce qui est bénéfique et sa mise en application. C'est ça, Ar-Rushd. Retenez, hein. C'est quoi Ar-Rushd en français? Je suis gentil, je l'ai dit encore une fois pour préparer le livre. On a dit c'est. La science de ce qui est bénéfique et sa mise en application. S'il y en a qui disent en arabe, c'est encore mieux. C'est quoi en arabe? Rushd wa al-ilm bima yanfa' wa al-amal bih. Puis il a dit, écoutez bien ça, donc on a défini c'est quoi Rushd. Vous, dans votre tête, Rushd c'est quoi? C'est la science de ce qui est bénéfique et ça, mise en application, on est d'accord. Et Ar-Rushd al-Huda, parce qu'il parle de Rushd et de Huda. Et pourquoi il parle de Rushd? I'lam Arshadaka Allahu li ta'ati. C'est pour ça qu'il explique le mot Rushd ici. Rushd et Al-Huda, lorsque l'un des deux termes est cité seul, il comprend alors le sens de l'autre. Suivez ça ou pas? Non? Rushd, quand il est cité tout seul, il comprend le sens de l'Huda. Et quand l'Huda il est cité seul, il comprend le sens de Rushd. Mais quand c'est cité les deux ensemble, chacun il a un sens qui est différent. On avait dit combien de fois que l'islam, quand il est cité tout seul, il a le sens aussi de Iman. Quand l'Iman il est cité tout seul, il a aussi le sens de Islam. Mais quand ils sont cités ensemble, comme dans le hadith de Jibril alayhi salam. Ça, c'est un exemple que les ulama donnent. Et c'est pour ça que, par exemple, Cheikh Al-Masih Al-Abad, il a expliqué cette règle-là dans le Sharh Hadith Jibril. Qu'il a expliqué dans son explication d'Arba'in Nawawiya, mais qu'il a expliqué dans une épître à part, dans une explication beaucoup plus longue. Cheikh Al-Masih Al-Abad, il faut savoir ça. Sharh Hadith Jibril, il a expliqué dans Fath Al-Qawi Al-Matin, qu'il Sharh de l'Arba'in, wa Tatimat Al-Khamsin. Vous me suivez là ou pas? C'est quoi? C'est, je vois des têtes qui. L'Arba'in Nawawiya, c'est combien de hadith? 42. Ce qu'on appelle Tatimat Al-Khamsin, c'est quoi ça? C'est qu'Ibn Rajab, il a pris les 42 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, et il en a rajouté 8 du même style, Jawami' al-Kalim, du prophète alayhi salatu wassalam. Il en a fait 50 avec les 8 qu'il a rajouté, et il a expliqué ces 50-là dans le fameux livre que vous faites avec Abu Hakim juste avant ce cours-ci, le samedi avant l'Aïcha, et c'est Jami' al-Ulum wa al-Hikam d'Ibn Rajab al-Hanbali. On est d'accord? Ces 50 hadiths-là, Al-Mahsi al-Abbad, Hafidahullah ta'ala, il les a expliqués. Donc, son charh des Arba'a al-Nawiyya de Cheikh al-Abbad, Hafidahullah, c'est non seulement les Arba'a al-Nawiyya, mais aussi les 8 qu'Ibn Rajab il a rajouté. Ça va? Et il a aussi expliqué, à la base en cassette aussi, il y a 23 audios, si je me souviens bien. Et donc, Cheikh al-Abbad, il dit que dans son charh, il s'est inspiré notamment, ou particulièrement de deux explications, celle de Cheikh Al-Uthaymin et celle de d'Ibn Rajab. D'accord? Pourquoi j'ai parlé de tout ça? Pour dire que dans le hadith Jibril, l'explication, Cheikh Masih Al-Abbad a rapporté cette règle. Cette règle qui dit que quand ils sont réunis, il y a des termes, que quand ils sont réunis à un endroit, on les cite ensemble si vous voulez, ils ont un sens qui est différent. Écoutez cette phrase, retenez, elle est très facile. « Idejtama'a iftaraqa » C'est-à-dire que lorsqu'ils sont cités ensemble, « Idejtama'a iftaraqa » Ils sont séparés, si vous voulez, ils sont différents dans le sens. « Waidaftaraqa ijtama'a » Et ils se sont cités séparément, ils se réunissent dans le sens. Vous avez compris cette règle-là? Donc dans le hadith de Jibril, on voit que l'islam est expliqué par les actions apparentes et l'iman par les actions intérieures ou cachées. D'accord ? Vous suivez ça ? Fakir miski la même chose, biru taqwa la même chose, qadar al qadar la même chose, etc. Et maintenant on dit quoi ? Rushd wal huda. Je reviens. Rushd c'est quoi ? L'ilmu bima yanfa' wal amalu bih. La science de ce qui est bénéfique et sa mise en application. Et l'rushd et l'huda, lorsqu'ils sont cités ensemble, ils ont un sens différent, mais quand ils sont cités chacun à un endroit, ils ont le même sens. D'accord. Donc je répète cette phrase en français ici. Al-Rushd et al-Huda, lorsque l'un des deux termes est cité seul, c'est-à-dire lorsqu'al-Huda est cité à un endroit, et al-Rushd est cité à un endroit, alors al-Rushd comprend le sens d'al-Huda. Et si al-Huda est cité seul, alors il comprend le sens d'al-Rushd. Et s'ils sont cités, vous pouvez me terminer les phrases maintenant, et s'ils sont cités tous deux en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont réunis, ils ont un sens différent, et lorsqu'ils sont cités seuls, ils sont réunis dans le sens. Alors il dit, alors al-Huda, maintenant on a dit, là il a le sens de l'autre, maintenant on veut savoir quand ils sont ensemble, c'est quoi la différence? Il dit, alors al-Huda est la science de la vérité, et al-Rushd est sa mise en application. Suivez ou pas? Quand ils sont cités ensemble, Al-Huda, c'est l'ilmu bil-haq, la science de la vérité, et Rushd, c'est l'amalu bih. C'est juste. Wadidduhuma, et le contraire des deux, est al-ghay. C'est quoi al-ghay? Il faut définir c'est quoi al-ghay. Nous, on a traduit ça par égarement. D'accord? Al-ghay, c'est tiba'u al-hawa. Alors là, ici, quelqu'un qui a un bon esprit de synthèse, il s'est répété en quelques mots ce qu'on vient de dire sur Rushd, l'Huda et l'Ghay. Sans regarder les notes, bien sûr, sinon c'est plus un esprit de synthèse, c'est un esprit de lecture. Je n'ai pas encore posé la question, j'ai déjà eu mal. On voit pas le calme. On voit la motivation. Hein? C'est qui a levé la main le premier? Je n'ai pas vu. C'est toi, vas-y. Alors, on va partager un petit peu. Fais Rushd. Rushd. En arabe. Rushd, al-ilm. Non, vas-y en français. Al-ilm bima yanfa. Na, ahsant. Oui, wal-amalu bih. Ahsant. Donc, Rushd, et qu'est-ce que ça veut dire en français, ça? C'est la science profitable. La science de ce qui est. De ce qui est profitable. Le bénéfique. Le bénéfique. Ouais. Et de sa mise en. Et sa mise en application. En application. Et le Huda. Et le Huda, c'est al-ilm al-haq. Quand ils sont. Explique-moi, Rushd et le Huda, qu'est-ce qu'ils ont à voir l'un avec l'autre? Quand ils iftaraqa, qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils sont réunis, ils diffèrent dans le sens. Là. Et quand ils sont isolés chacun, ils ont un sens commun. Ils ont le sens commun. Et quoi? Donc maintenant, je voudrais bien savoir, c'est quoi le sens quand ils sont regroupés? Quand ils sont regroupés, al-huda, al-ilm al-haq. Al-ilm bil-haq. Al-ilm bil-haq. Al-rushd. Al-amalu bih. أحسنت. الهدى سي العلم بالحق والرشد العمل به en français. الهدى سي كوا؟ الهدى سي لا سيانس فيريتاب. سي لا سيانس دو لا فيريتي. دو لا فيريتي. ايوا. الرشد. الرشد سي سا ميز ان ابليكاسيون. ان ابليكاسيون. سا ميز ان ابليكاسيون. تا برسك تو ليفري. دونك جوست لا فان لو جلوسير و لو. Et ce qui les oppose, c'est al-ghay. Ah. Et ce qui les oppose, c'est al-ghay ou al-hawa. Non, c'est quoi al-ghay? Al-ghay. Al-ghay. Et al-ghay, c'est quoi al-ghay? C'est tiba' al-hawa. Ahsan. Tu l'as déjà? Tu l'as? Il l'a. Tu l'as ou pas? Tu peux le donner à quelqu'un? Tu peux le donner à quelqu'un? Ah, je l'ai. Tu peux non, je l'ai. Allez, quelqu'un d'autre. Je lui donne aussi un livre. Voilà, il a tracé la voie, donc c'est facile. Qui veut le faire? Tu l'as, lui? الرشد تكون الرشد الرشد بالعربية يا أستاذ العلم ب العلم النافع والعمل به العلم بما ينفع بما ينفع والعمل به ما العلاقة بين الرشد والهدى ما القاعدة هنا نعم إذا اجتمع اشترقا وإذا ذكر وإذا افترق اجتمع أحسنت أيوة. وتضمن أحدهم معنى الآخر معنى الرشد إذا اجتمع الرشد هو معنى الهدى je te donne dans le sens dans lequel tu t'es dans l'ordre dans lequel j'ai dit الهدى نعم الهدى العلم النافع والعمل به العلم بالحق العلم بالحق نعم لا سيونس لا فيريتي ايوا اي الرشد الرشد العمل العلم العمل به وضدهما وضدهما الغي الغي وهو اتباع الهوى احسنت تفضل Ne vous inquiétez pas, il y en a encore un, on va trouver quelque chose d'autre après. Qui l'a pas entre parenthèses qui Ça rien dire le faux. Hein. On continue. فالإمام محمد بن عبد الوهاب هنا يدعو الله لك بالرشد لطاعته. Vous voyez l'intérêt de ça, l'hifd, c'est très important, il y a dans talab l'ilm. Très très important. Maintenant, quand tu lis maintenant, I'lam arshadak Allah li ta'ati. Tu sais pourquoi il a dit I'lam? Normalement, nous on se limite au charah de Cheikh al-Bukhari, mais d'autres shurouhat, on voit en fait les adillah, quand de où ils ont pris I'lam, les ulama. Et tu vas savoir aussi c'est quoi arshadak Allah li ta'ati, c'est une dua, pourquoi tu as fait cette dua? C'est quoi le sens de rushd? C'est quoi la différence avec le huda? La règle par rapport à ça? C'est quoi les contraires? C'est quoi, on va définir après c'est quoi ta'a? C'est toutes des notions que après tu connais. C'est ça l'intérêt. Et c'est comme ça que normalement on doit apprendre les livres. C'est comme ça qu'on fait un livre. Avec le texte, le matn, le charh, les définitions, etc. Et chaque notion, on sait ce que ça veut dire. Et quand on a fini le livre, on l'a vraiment fini. Alhamdulillah, on a le livre. D'accord ? Et on peut passer à un autre. Et il y a des notions qui se revisitent. Donc ça renforce. Ça se renforce au fur et à mesure. Avec tikrar. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا يدعو الله لك بالرشد لطاعته وهنا يعني أفردت فتضمنت معنى الهدى فهي هنا تتضمن معنى الهدى إذن العلم بما ينفع والعمل به فالإمام محمد رحمه الله عليه يدعو الله أن يرشدك لطاعته ويلاطفك بهذا الدعاء لأن العلم مبني على التلطف إذ هو رحيم ورحمة قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رحيم بين أهله ورحمة على الخلق أجمعين الله أكبر شيخ كيسكيل ديسي دونك الإمام محمد بن عبد الوهاب كان لي فاس ميزيريكورد invoque Allah pour toi ici qu'il te guide vers son obéissance et ici ce terme الرشد a été cité seul et donc il comprend le sens d'al huda Et donc ici, il englobe le sens du terme al-huda, et donc la science de ce qui est bénéfique et sa mise en application. Ça, vous connaissez cette notion maintenant. Ce n'est pas un problème pour vous, alhamdoulilah. L'imam Mohammed, qu'Allah lui fasse miséricorde, invoque Allah qu'il te guide vers son obéissance et il te parle gentiment par cette invocation. Yulatifuka, en arabe. Latafa yulatifum wa latafatan. Par cette invocation, car la science est basée sur la délicatesse. At-talattuf. On peut traduire ce mot-là de talattuf. Talattafa fil kalam. Ou talattafa bil kalam. C'est quoi? C'est une délicatesse, une obligeance. Le fait de se montrer aimable envers quelqu'un. Car, écoutez cette phrase. لِأَنَّ الْعِلْمَ رَحِيمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ وَرَحْمَةٌ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ Rahimun rahmatun. Car la science est un rahim, un lien de proximité. Le mot rahim, à la base, dans langue arabe, c'est comme dans le sens de mot matrice, lien de parenté, etc. D'où le mot arham, que vous connaissez. Hein? Il y a le mot arham, c'est dans le sens de quoi? De matrice. D'accord? D'accord? Hein? Et par rapport à cette rahim, c'est quoi? Dans le sens de des gens avec lesquels tu as un lien de parenté, etc. Donc ici, rahimun, c'est-à-dire que la science est un lien de proximité entre ces gens. Et une miséricorde, rahma. Allah le Très-Haut, c'est dans la traduction du sens est, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Surat al-Anbiya, verset 107. Et la science est donc un lien de proximité entre ces gens, un lien qui les unit, si vous voulez, et une miséricorde pour toutes les créatures. Puis il dit le shir, « Thumma li ta'lama ayyuha al-muhib » أن هذه الكلمة كلمة إعلام إنما يؤتى بها في مقام الاهتمام يؤتى بكلمة إعلام في مقام الاهتمام تنبيها وحثا للسامع على تدبر والإصغاء لما سيذكر له. Moi je vous conseille de mémoriser cette phrase par cœur. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'as mémorisé, tu l'as mémorisé pour قال أربعة, tu l'as mémorisé pour أصل ثلاثة, tu l'as mémorisé pour d'autres livres, etc. إعلام, qu'est-ce que ça veut dire ici? Tu lui dis directement إعلام في مقام الاهتمام. Pourquoi? تنبيها وحتى للسامع لما سيذكر له والإصغاء والإصغاء لما سيذكر له. Par exemple. D'accord? C'est-à-dire que, on va dire traduire ça ici, c'est puis sache, ô toi celui qui aime, que ce mot sache n'est utilisé que dans une situation de considération d'importance. Le mot sache est utilisé dans une situation de considération d'importance afin d'attirer l'attention de celui qui entend. D'accord? Et afin de l'inciter, donc on a dit tenbihan, afin d'attirer l'attention, de faire remarquer, d'accord? Ou hathan, d'inciter, le mot hath, incitation. Et le fait de l'inciter à méditer et à écouter attentivement ce qui va lui être dit. Quand tu dis sache, qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas te préparer. Et ça va t'inciter à écouter ce qui va être dit. C'est ça le but de cette parole, I'lam. Et il y a des preuves dans le Coran. Qui s'est cité un délit dans le Coran? Fa'alam. D'accord? Fa'alam. Verset de quelle sourate? Mohammed. Quel verset? 19. C'est un verset que vous, qui est très connu. Alhamdulillah. D'accord? Donc ici, ils ont cité différents exemples par rapport à ça. Donc ici, il dit que, afin d'attirer l'attention de celui qui entend et afin de l'inciter à méditer et à écouter attentivement ce qui va lui traduire, ce qu'on appelle al-isra. Al-isra. Al-isra, j'en avais déjà parlé dans la langue arabe, qu'on avait fait, dans la dora sur le Coran qu'on avait fait, le premier dars que j'avais fait, c'était pour, par rapport à comment bénéficier du rappel du Coran. Et on avait fait, dans le fawa'id ibn al-qayyim, l'explication des versets de surat Qaf. Quel verset? Inna fi dhalika la dhikra. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Revenez, c'est traduit en PDF aussi et en audio sur notre site, dans la dora qu'on avait fait sur le Coran, parmi les perles du Coran. Cheikh, il dit فيها اهتمام وتنبيه لك وحث لك على أن تنتبه بأذنك وحواسك وتقبل بكليتك لتعلم ماذا سيذكر لك بعد كلمة إعلام. فهو كأنه يشد انتباهك لتهتم بها لتهتم بما عفوا سيقول لك. وهذا من طرائق التربية والتعليم. إذن عرفنا معنى هذه اللفظة. Il y a dans ce mot une considération et une incitation pour toi afin que tu sois attentif avec ton oreille et tes sens, et que tu t'appliques de toute ta personne afin que tu saches ce qui va t'être dit après le mot sache. Et donc, c'est comme s'il attirait ton attention afin que tu donnes de l'importance à ce qu'il va te dire. Et cela fait partie des méthodes d'éducation d'enseignement. Et donc, nous connaissons maintenant le sens de ce mot. قوله أرشدك الله لطاعته. On a presque fini, on a un peu tardé parce que je vous laisse un peu l'occasion de mémoriser, de répéter, etc. قوله أرشدك الله لطاعته. ما هي طاعة الله؟ Sa parole qu'Allah te guide vers son obéissance. Quelle est l'obéissance à Allah? Maintenant, définition aussi à connaître par cœur. Ta'atullah, muwafaqatul ma'mouri bih, al-ma'mouri bih, fi'la lil ma'mour, wa tarka lil mahdour. Très simple. Muwafaqatul ma'mouri bih, fi'la lil ma'mour, wa tarka lil mahdour. Hada al-muradu bit-ta'a. L'obéissance à Allah, c'est. D'accord? Et si la mémorise en arabe et en français si possible, sinon au moins en français, mais la base c'est l'arabe. C'est la conformité à ce qui est ordonné par la mise en application de ce qui est ordonné et le délaissement de ce qui est interdit. C'est ça l'obéissance. Je répète, c'est la conformité à ce qui est ordonné par la mise en application de ce qui est ordonné et le délaissement de ce qui est interdit. Voilà donc le sens de l'obéissance. Le deuxième angle par rapport à ce passage du Qur'an Arba, الوجه الثاني قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية اسم إن وملة إبراهيم إما بدل وإما عطف بيان من الحنيفية. Ça c'est du nahou. On va pas rapporter en français. Ça, je ne pense pas qu'il y ait une utilité par rapport à ça en français en tout cas. Sinon en arabe pour les frères qui font du nahou, c'est intéressant ce qu'il a dit le cheikh ici. والحنيف مشتق من الحنف والميل عن الضلال إلى الهدى. Encore une notion très importante dans la religion, c'est quoi? Le mot hanifiyya, mushtaqul min al-hanaf, wal-hanaf al-maylu an-dalal ila al-huda. Wa yuqabilu al-hanaf. Ce qui fait face au hanaf, c'est le janaf, avec le jim. Fa'inna al-ma'na ay ma'nahu huwa al-maylu an-istiqamati wal-huda ila al-dalal, yani inhiraf, na'udhu billah. C'est le sens de quoi, le ma'na ici de quoi? Al-janaf. Donc al-hanaf, c'est huwa al-maylu an-dalal ila al-huda, wal-janaf, c'est le mail ou l'istiqamati ila dalala. On va traduire ça en français. Le deuxième angle, sa parole que la hanifiya est la religion d'Ibrahim. Et le hanif est dérivé d'al-hanaf. Et l'hanaf, c'est de s'écarter de l'égarement vers la guidée. Le mail ou l'dalalati ila al-huda. Ou l'dalali ila al-huda. Et fait face au mot hanaf, Nun fa, à l'autre mot qui est jim, nun fa, el janaf, avec la lettre jim. Et le sens del janaf, c'est de s'écarter de la droiture et de la guider vers l'égarement, c'est-à-dire la déviance, et nous demandons à Allah de nous préserver de cela. Le hanif est donc, maintenant, si on a défini c'est quoi le hanif, on sait c'est quoi le hanif. Le hanif, huwa el ma'il, parce que le hanif c'est le mail, donc le hanif c'est el ma'il, à la wazn fa'il. عن الشرك الذي هو أص الضلالة إلى التوحيد قصدا المائل عن الشرك الذي هو أص الضلالة إلى التوحيد قصدا مال عن الشرك إلى التوحيد قاصدا التوحيد قال الله جل وعلا قانتا لله حنيفا قانتا لله قاصدا أن يكون قانتا حنيفا لله وقال جل وعلا حنيفا مسلما وتجمع هذه اللفظة الكلمة على البلغل دو حنيف س حنفاء حنفاء حنفاء قال جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به دونك الحنيف on sait c'est quoi الحنف الحنف c'est dites ensemble peut-être comme ça الميل عن الضلال إلى الهدى qui est à l'opposé de الجنف qui est الميل عن الاستقامة إلى الضلالة يعني الانحراف c'est ça c'est le contraire donc si on sait c'est quoi الحنف c'est le ميل عن الضلالة إلى الهدى et bien on sait c'est quoi الحنيف c'est المائل عن الشرك إلى التوحيد mais rajoutez un mot important قاصدا قاصدًا أو pardon قصدًا كم تقول توا قصدًا وتجيب قاصدًا التوحيد قصدًا سأجيب ما يعني شرك إلى التوحيد قاصدًا التوحيد كم الذي شرع البخاري le hanif est donc celui qui s'écarte de l'association qui est le fondement de l'égarement l'association c'est le fondement de l'égarement la base Donc il s'écarte l'association qui est le fondement de l'égarement vers l'unicité. Qasdan, ayant cela pour but. Il s'est écarté de l'association vers l'unicité. Il s'est écarté du shirk. Il s'est écarté de l'association vers l'unicité. En ayant pour but l'unicité. C'est facile ou pas de comprendre ça? Très facile. Il s'est écarté de l'association, d'accord, vers l'unicité, le tawhid, ayant pour but l'unicité. Allah dit dans la traduction du sens est, il, Ibrahim, était soumis à Allah. Qanita lillahi hanifa, soumis à Allah, voué exclusivement à lui. Vous voyez l'importance du mot hanif. D'accord? Surat Nahl, verset 120. Soumis à Allah, ayant pour but d'être soumis à Allah, voué exclusivement à lui. Et Allah dit, selon la traduction du sens est, il était entièrement soumis à Allah, musulman. Surat Ali Imran, verset 67. Par rapport à qui, encore une fois? Non. Et le pluriel de ce mot hanif est hunafa. Allah dit, selon la traduction du sens est, abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien. D'accord? Sourate Al-Hajj, verset 30-31. والعرب أيها الإخوة تسمي قديما العرب كانت تسمي كل من حج البيت أو اختتن كانوا يسمونه حنيفا أو حنيفيا يريدون أنه على ملة إبراهيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميقة. Et les Arabes, ô frères, appelaient anciennement quiconque faisait le pèlerinage à la maison, avec un grand M, c'est-à-dire al-Bayt al-Haram, ou se faisait circoncire, ce qu'on appelait irtitan en arabe, irtitan, ils l'appelaient hanifun ou hanifiyun. Ils entendaient par cela qu'il était sur la religion d'Ibrahim. Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, et fais aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront vers toi à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Surat al-Hajj, verset 27. Alors, question pour un livre ici. D'accord? Ibrahim alayhi salam, il s'est circoncis à un certain âge. On va le voir, Inch'Allah. Tu connais la réponse? Il a déjà un livre. T'as déjà un livre, de toute façon. Mais c'est, hein? Et celui qui me dit quel âge, il me donne dalil. Et il me dit comment il s'est circoncis et pourquoi. Il le fait. Allez, celui qui me donne l'âge exact avec le dalil, il a le livre. Ouais. Alors, tu as déjà le livre. Ou alors, si tu donnes une bonne réponse, choisis quelqu'un que tu donnes. D'abord, de préférence, ceux qui n'ont pas encore reçu un livre. Regarde la lettre, parce que le cours c'est un peu long. Hmm? C'est quoi l'âge? Je me souviens, c'est à 70 ans. Non. Non. Pourquoi? Hassan. 80. Naam. Dalil. C'est un dalil. Hadith. Dans le Sahih. Hadith Abu Huraira. اختتن إبراهيم اختتن إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. هذا الحديث. هذا هو القدوم. إبراهيم عليه السلام يسيخ كونسي avec القدوم. العلماء يقولون c'est آلة النجار. C'est un outil qui est utilisé par le menuisier. D'accord. Attention, il y a différents avis des ulama par rapport au qadoum. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains ulama ils ont dit que le qadoum c'est alatun najjar, et certains ulama ils ont dit que c'est un endroit au Sham, bil qadoum, que c'est un endroit. Le qawl rajih qu'il a dit Ibn Hajar et d'autres ulama, Ibn Hajar dans le Fath, Fath al-Bari, Sahih al-Bukhari, il a dit que c'est al-ala, l'instrument. D'accord? Ils ont rapporté pour soutenir ça que Ibrahim alayhi salam, quand il a reçu l'ordre à l'âge de 80 ans de ce circoncire, alayhi salatu salam, il a reçu par révélation, d'accord, il l'a fait avec Al-Qadoum, et donc ishtadda alayhi dalik. Il a une difficulté par rapport à ça. D'accord ? Et qu'Allah Azza wa Jal lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Hein ? Qu'il a fait vite avant qu'il reçoive l'ordre, par quel instrument le faire ? Et regardez la réponse d'Ibrahim alayhi salam, il a dit : Ya Rabb, karih tu ? Ou comme maqal, il a dit : J'ai réprouvé, j'ai détesté m'attarder à appliquer ton ordre, ton commandement. D'accord ? Ça va ? Et c'était qui d'ailleurs le premier à se circoncire ? C'est lui. Non. D'accord ? Et on va voir, ça n'est pas un cours de fiqh, mais c'est intéressant, allez voir. C'est comme ça, encore une fois, que le talib se construit. Le ulama, il parle maintenant de celui qui se convertit à un certain âge. Très avancé, par exemple, cet âge-là. L'ulama dit, non, mais c'est circoncis. D'accord ? Sauf si les gens qui sont spécialisés dans la matière, ils disent que ça va lui causer un mal, que ça va lui causer du tort, etc. D'accord ? C'est une discussion. C'est quoi l'irtital ? D'accord ? En langue arabe, c'est quoi ? C'est le fait d'enlever le prépuce. Comment on appelle ça le en arabe ? Il y a quelqu'un qui... Tu as reçu un livre, toi ? Tu l'as, celui-là ? Est-ce que tu as donné l'âge, hein ? D'accord ? Retournez assez au livre de Mashiach par rapport à ça, Inch'Allah. On va pas s'attarder là-dessus, mais c'est juste pour vous dire, vous donner un petit peu d'informations, et que vous sachiez de quoi on parle ici. Parce que Cheikh, il a dit, Hafidhahullah, Cheikh al-Bukhari, il a dit, Ikhtatan Ibrahim bil Qadoum, alaysa kadalik. Et ben là, comme dans les Sahihain. Wa kada kanu, fa kanu yaqulun, hada l'ism, ala man hajja, ou ikhtatana tanbihan, ala annahu ala milati Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Fa milatu Ibrahim, idan ma hiya, hiya l'hanifiyah, ma hiya l'hanifiyah, al-mailu an ishirk ila t-tawhidi qasda. والتي عبر عنها الإمام محمد هنا أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. Et puis il a rapporté le wajh الثالث. Et après on s'arrêtera à ça, inshallah. Donc, Ibrahim alayhi salam, il s'est circoncis avec le Qadoum. On a déjà parlé de Qadoum. On a dit que la parole rendue la plus forte, ou estimée la plus forte par Ibn Hazar dans le Fath al-Bari, que c'est un outil de menuiserie, c'est l'ala. Et que c'est un hadith qui est rapporté dans les deux authentiques, c'est-à-dire le Bukhari ou le Muslim. Et donc il donnait ce nom à celui qui faisait les Arabes, le pèlerinage, ou qui se circoncisait afin de faire remarquer qu'il était sur la religion d'Ibrahim. Il l'appelait Hanif ou bien Hanifi. La religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et donc, quelle est la religion d'Ibrahim ? C'est Al-Hanifiyya. Et qu'est-ce qu'Al-Hanifiyya ? Vous le connaissez tous, la définition maintenant, alhamdulillah, c'est de s'écarter de l'association Allah vers l'unicité en ayant cela pour but. Et c'est ce au sujet duquel l'imam Muhammad ibn Abdelhab, rahimahullah, parle ici en disant que tu adores Allah seul en lui vouant une adoration sincère, exclusive. Le troisième angle par rapport à ce paragraphe, cette partie du texte, le wajh al-thalith, al-mutaammil fi al-Qur'an yajid amrayn muhimmayn yata'allaqan bil-mawdu' huna wa huwa. Yajid yalhad wa yaqra wa anna Allah jalla wa ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bi-ittiba' millati Ibrahim. Qala Allah jalla wa ala: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فده أمر من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك الأمر الثاني أن الله عز وجل أمرنا بأن نتبع ملة إبراهيم. فتجد أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الله لأمته لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. Le troisième angle, celui qui médite le Coran trouvera deux choses importantes liées au sujet ici qui sont. Qu'il trouvera et remarquera et lira qu'Allah le Très-Haut a ordonné son prophète Mohammed de suivre la religion d'Ibrahim. Allah a dit, selon la traduction du sens, est: puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Surat Nahl, verset 123. Ceci est donc un ordre d'Allah donné à Muhammad alayhi salatu wassalam de suivre la religion d'Allah, de suivre la religion d'Ibrahim. Et la deuxième chose, qu'Allah le Très-Haut nous a ordonné de suivre la religion d'Ibrahim, et donc tu trouveras l'ordre d'Allah à son prophète alayhi salatu wassalam, et l'ordre d'Allah à la communauté de son prophète alayhi salatu wassalam. Allah dit, ce dont la traduction du sens est: et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham. Surat al-Hajj, verset 78. Quatrième angle, on va quand même faire le quatrième, et on va terminer sur une belle parole d'Ibn Qayyim rahimahullah dans Nouniya. الوجه الرابع أن هذه الحنيفية هي التي خلق الله الخلق لأجلها أي لتحقيقها وهو أن يعبد العبد ربه مخلصا له الدين لأن الشيخ قال أن تعبد الله أليس كذلك؟ العبادة لها مفهوم عام ومفهوم خاص. C'est encore une notion fondamentale pour un salafi de connaître la définition de l'ibada. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà une définition que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a donnée dans le Kitab al-Ubudiyya qui est العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. Vous la connaissez ou pas? Mais ça c'est un sens spécifique et un sens général pour l'ibadة. Et on va les donner les deux aujourd'hui, inshallah. فالعام قال الشيخ عنه شيخ الإسلام رحمه الله طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله أو على ألسنة الرسل. هذا المعنى المفهوم العام للعبادة. وأما المفهوم الخاص فقد قال عنه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأيضا خلافا لمن تحذلق فنفى وصفصط هي غاية الذل مع غاية الحب. قال الإمام ابن القيم في نونيته وعبادة الرحمن في وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فهي غاية الحب مع غاية الذل لله جل وعز. هذه العبادة أيها الإخوة مدارها على 15 قاعدة. On traduit ça et après on aura fini, inshallah. Cette hanifiya est celle pour laquelle Allah crée les gens, et c'est-à-dire afin de la concrétiser, et c'est que le serviteur adore Allah en lui vouant une adoration sincère, exclusive. Car le shirk a dit que tu adores Allah, n'est-ce pas? L'adoration a un sens général et un sens spécifique. Essayez de les noter. Le sens général, sont tous les deux donnés d'ailleurs par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit dans le sens général par rapport à l'adoration, l'obéissance à Allah en s'acquittant de ce qu'il a ordonné par les langues de ses messagers, ou par les langues des messagers. Ceci est le sens général de l'adoration. Quant au sens spécifique, Cheikh l'Islam Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit à son sujet, c'est un nom générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et action apparente et cachée. Regardez quelle belle définition que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il a donné, et je vous conseille de les mémoriser en arabe et en français, et elle sera disponible inchallah dans les notes sur le site. Et c'est aussi contrairement à celui qui a fait de l'esprit tahazlaqa et qui a dénié wanafa et a fait l'usage du sophisme wasafsata, le summum de la soumission avec le summum de l'amour ghayatul dhul ma ghayatul hub rahimakallah. Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit dans sa Nouniya, traduction approximative, c'est difficile de traduire une Nouniya, et l'adoration du tout miséricordieux est le summum de son amour avec la soumission de son serviteur. Ce sont deux pôles autour desquels tourne l'orbite de l'adoration, qui n'a pas tourné tant que les deux pôles n'ont pas été établis, et son orbite est par l'ordre du messager, pas par la passion, ni l'âme, ni Satan. L'adoration est donc le summum de l'amour avec le summum de la soumission à Allah le Très-Haut. Voici l'adoration aux frères qui tourne autour de 15 règles. Et ça, on va voir ces 15 règles dans le cours prochain, Inch'Allah. Vous allez voir qu'en fait... je dis rien jusqu'au cours prochain, Inch'Allah. Hein? Et si vous voulez avoir plus d'explications par rapport à ces abiyat, ces lignes de poésie de Ibn Qayyim, rahimahullah, je vous conseille le charh ou le ta'liqat de Cheikh Al-Fawzan en deux volumes sur Nouniya. Il y a aussi un grand savant, Salafi, rahmatullah alayh, parmi les grands imams de cette communauté, c'est Cheikh Khalil Harras, rahmatullah alayh, qui est un grand cheikh, qui notamment a écrit un livre qui s'appelle Cheikh Islam Ibn Taymiyyah As-Salafi. Il faut savoir que c'était un cheikh de l'Azhar, qui était Ash'ari, et on lui a demandé d'écrire une réfutation sur Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, et donc il a passé du temps avec les livres de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Et voilà son doctorat qui est sorti, ou ce soit sa thèse qui est sortie. Et il est devenu salafi, il a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah as-Salafi. Et il a été demandé par Cheikh Ibn Baz pour venir enseigner à l'université de Médine. Et alhamdoulilah, ils ont obtenu cela. Et donc, il était directeur des hautes études al-Aqida à l'université de Médine. Et il a un excellent charah d'al-Wasitiyah. Pour les frères qui ont un bon arabe, hein, il a un excellent charah d'al-Wasitiyah que je vous recommande vivement. Mohamed Khalil Harras, rahmatullah alayh. Parmi les chiurs de qui? Mohamed Amal Jami. Alayhi rahmatullah. Alayhima rahmatullah. Voilà, on s'arrête là-dessus. Je vous conseille vivement demain. On fait d'abord le khatma. Wallahu alim, subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.